Les participants au 15e Festival international de cinéma de Pyongyang ont visité le 18 courant le Palais du Soleil de Gongsusan pour rendre hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.